RTL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique. Bonjour à tous, mercredi, il est 10h sur RDL 103.5, bienvenue à tous, c'est l'émission Musique, vous la connaissez peut-être déjà si vous nous écoutez depuis plusieurs semaines maintenant. C'est Yann au micro, j'ai l'immense plaisir comme chaque semaine de vous animer cette émission, c'est-à-dire que on décrypte, on explique et ensuite on diffuse les plus grandes chansons françaises et internationales et on fait ça par décennies, on diffuse à chaque fois une chanson des années 1960, 70, 80, 90, 2000 et 2010. On les explique, on donne comment ces chansons ont été écrites, composées, produites et interprétées. Qu'y a-t-il d'ailleurs ces chansons? Quelle est leur histoire, leur origine? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Et comment traduire les paroles en langue étrangère? Vous êtes bien sur RDL et voici tout de suite le sommaire. Et on commencera cette émission avec la chanson spéciale année 1960 et le plus grand tube des Beach Boys qui en 1966 chantait Good Vibrations. Et puis on continuera avec le San Francisco de Maxime Le Forestier, c'était en 1971. Souvenez-vous de cette fameuse maison bleue. Suivi ensuite du titre révolutionnaire de Trust, Antisocial, c'était en 1980. Et puis Bouge de là de MC Solar en 1990. Il sort d'ailleurs un tout nouvel album, très récemment. Et il se trouve qu'il a commencé en 1990 avec l'un des premiers tubes de rap français. Et puis on continuera avec la chanson de l'année 2000 pour caractériser la décennie 2000. C'est I'm Out of Love d'Anastasia. Et puis on terminera avec le célèbre Happy de Pharrell Williams qui date de 2013. Et je vous propose donc sans plus attendre de commencer avec la chanson spéciale année 1960. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Good Vibrations des Beach Boys qui est sorti en 1966. Alors Good Vibrations, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, ça veut dire en français bonne vibration. Et il y a eu un 45 tours de cette chanson publié en 1966, puis une autre publication dans un album de 1967 intitulé Smiley Smile. Alors pour ce titre, il aura fallu écouter bien ces petits chiffres, 22 sessions d'enregistrement de 90 heures en tour dans 4 studios différents, dont un à Londres, et quasi toute l'année 1966 pour le mettre en boîte. C'est-à-dire que l'enregistrement a duré de février à octobre 1966. Heureusement d'ailleurs que le titre était un succès, parce que sinon le temps de confection n'aurait pas vraiment été rentabilisé quand même. Et puis surtout, à l'époque, ce qu'il faut se dire, c'est que le coût de production était le plus élevé de l'histoire de la musique avec cette chanson. Il a fallu plus de 50 000 dollars pour faire juste une seule chanson. C'était un record à l'époque pour un 45 tours. Alors égalé, bien sûr, depuis avec les disques, les CD et même aujourd'hui le streaming sur Internet. Alors le leader du groupe, les Beach Boys, vous savez, ce groupe très 60s qui était considéré comme un peu les rivaux des Beatles par la presse et par les gens, mais pas par les Beach Boys eux-mêmes. D'ailleurs, ils étaient souvent comparés aux Beatles. Et bien, le leader de ce groupe, c'était Brian Wilson. Et il écrit avec son cousin une chanson qui s'appelle Good Vibrations. Alors Brian Wilson l'aide, mais c'est surtout son cousin qui écrit la chanson. Brian Wilson n'est qu'assistant en quelque sorte pour l'écriture. Par contre, c'est Wilson qui compose et qui produit le titre qui va l'inscrire dans la légende, mais aussi dans la folie. Parce que Brian Wilson, il faut le savoir, c'est un mec plutôt cool, il aime pas le stress, il ne supporte pas trop la pression, lui. C'est pour ça qu'il fait de la musique d'ailleurs. Et pourtant, on demande à chaque fois aux Beach Boys de produire 3 à 4 33 tours par an. C'est énorme, c'est un rythme effréné et conséquence. Wilson tombe dans la drogue, le LSD et la folie. Alors Brian Wilson, alors, il est leader du groupe, mais plus sur scène désormais. Il décide à ce moment-là, pour sa santé, de se consacrer uniquement à la création de chansons, à l'écriture, à la composition, à la production et à l'enregistrement. Il enregistre lui-même les chansons, mais il ne les promouvoit plus sur scène. C'est un autre membre qu'il recrute, un remplaçant qui prend sa place sur scène et lui, du coup, ne figure pas sur les albums. Il continue quand même à chanter, mais plus vraiment sur scène. Et il faut savoir que Brian Wilson, il avait une sorte d'obsession, hein. C'était en fait de faire mieux que les Beatles. Il travaille ses musiques encore et encore comme un acharné pendant des heures et des heures, entraînant du coup des retards de production des albums, hein, qui sont plus incessants les uns que les autres, ce qui fait qu'on l'a pas mal embêté avec ça. Il veut créer le chef-d'œuvre du chef-d'œuvre absolu une fois Good Vibration sorti, mais les Beatles... les Beatles prend de court, hein, les Beach Boys en 1967 avec un album culte avec dedans par exemple Lucy in the Sky with Diamonds. Il faut croire donc que le grand tube des Beach Boys, eh bien, c'était Good Vibrations et aucun autre titre. Et je vous propose sans plus attendre, pour ceux qui ne se souviennent plus éventuellement de cette chanson, et pour les autres, eh bien, vous pourrez chanter donc avec eux Good Vibrations sur RDL, c'est les Beach Boys. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitation. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Good vibrations. Dans l'émission Musique sur RDL chaque mercredi de 10h à 11h. Merci beaucoup d'être avec nous sur le 103.5 et vous avez ainsi écouté une très très grande chanson des Beach Boys. Ça s'appelle Good Vibrations et ça date des années 1960. Et maintenant, je vous propose donc, sans plus attendre, la chanson de la décennie suivante, si vous connaissez le principe de cette émission. Et on va revenir avec du français, si vous voulez bien, concernant la chanson de Maxime Le Forestier. C'était la toute première qu'il a de 1971, San Francisco. C'est la première chanson, je le disais donc, du chanteur français, qui n'était pourtant pas destiné, mais alors pas du tout, à être sorti à ce moment-là. Et donc, encore moins de figurer sur son premier album intitulé « Mon frère ». En fait, l'histoire de cette chanson remonte à l'été 1971, mais pas à San Francisco dans un premier temps, en Belgique. Eh oui, en tout cas, c'est Maxime et sa sœur Caroline qui remportent un prix, le premier prix d'un concours, celui d'un festival de chansons en Wallonie. Et avec l'argent récolté grâce à la victoire de ce concours, eh bien, ils décident tous deux de partir à San Francisco sur les conseils d'un ami qu'il rencontre le soir même du concours et qui vit justement à San Francisco. Il est en France pour les vacances, hein. Je vous rappelle que c'est l'été 1971, mais il vit à San Francisco. Et cet ami leur conseille même une adresse précise, une adresse très particulière, je cite l'adresse, 3841 de la 18e rue dans le Castro de la ville. Et bien en fait, c'est là où vit une communauté de jeunes, hein, qui souhaitent la liberté, qui sont contre la guerre, hein, et certains d'ailleurs sont déserteurs de la guerre au Vietnam parmi les habitants de cette fameuse maison. Et en fait, il faut savoir que ben, c'est l'adresse de l'ami qui y habite, tout simplement. Mais pas tout seul. Et vous allez certainement me voir venir. Cette maison, elle est de quelle couleur ? Eh ben, elle est bleue, justement. Alors, du coup, Maxime Le Forestier et sa sœur y vont dans cette fameuse maison bleue de San Francisco et ils font la connaissance des 15 personnes qui vivent avec l'ami en question. Ils restent avec eux 5 semaines. Ils adorent et savourent vraiment leur instant de liberté. Et Maxime Le Forestier, lui, avait 23 ans. À cette époque, il était étudiant. Il avait une barbe très 68-art, quand même une très très longue barbe, hein, qui n'a plus maintenant, d'ailleurs. Et ben, forcément, comme toute bonne chose a une fin, ben, c'est la fin de l'été. À un moment, ben, il faut rentrer. Voilà, c'est fini. Il rentre à Capri, pardon, à Saint-Ouen, ça le fait un petit peu moins. Et les habitants de cette maison bleue leur envoient une carte postale, comme ça, spontanément, avec des dessins dessus pour leur dire tout le bien, hein, qu'ils pensent de ces Français et de ce séjour avec eux, de ce bon temps passé avec eux. Il les remercie pour ces 5 semaines. Et très touché, Maxime Le Forestier décide de leur répondre, mais pas une carte postale à leur envoyer, mais tout simplement, si je puis dire, en chanson. Et du coup, il le fait, il l'envoie à San Francisco, ils apprécient, et voilà, après, ils se perdent un petit peu de vue comme ça. Et plus tard, Le Forestier, il est dans une maison de disques, hein, Polydor, pour ne pas la citer, pour son premier album, intitulé donc Mon Frère, et il crée, et il enregistre des chansons. Et l'ingénieur du son lui demande en fait d'enregistrer, là, maintenant, tout de suite, pour finaliser l'album, hein, histoire que ce soit fini, une toute dernière chanson pour le compléter. Sauf que il n'a pas prévu de nouvelles, et voilà, il n'a pas eu le temps, il est pris au dépourvu. Et à ce moment-là, il repense donc à ce fameux titre d'il y a quelque temps, portant sur une maison bleue, et à l'arrache, il décide de l'inclure en dernière piste de l'album. Sauf que son directeur artistique, il est complètement sous le charme, et il décide donc de la mettre en avant, cette chanson, et c'est là, dans ce contexte-là, que San Francisco devient le premier extrait de ce 33 tours. Le démarrage, il est plutôt timide, pas laborieux, hein, pour autant, puisqu'aucune radio ne la diffuse. Et il faudra attendre un événement particulier dans la carrière de Maxime Le Forestier, il faudra attendre une année, en octobre 1972 précisément, pour reparler de la chanson et donc du chanteur, quand celui-ci fait les premières parties de Georges Brassens, hein, à Bobino, quand même. Eh oui, et c'est là qu'on voit que la carrière a quand même pris un sacré souffle quand même Maxime Le Forestier. Le succès est alors en marche et 1 million d'exemplaires sont vendus et roule ma poule, San Francisco est the tube de 1971 qu'on écoute d'ailleurs tout de suite, sans transition, sur RDL. C'est parti. C'est une maison bleue adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas, tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux, puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Lisa et Luc, ce sont évidemment les vrais prénoms hein, de ces fameuses personnes qu'il a rencontrées, Maxime Le Forestier, à San Francisco, dans cette maison bleue, en pleine période hippie quand même, puisque je rappelle qu'on est au début, au tout début hein, des années 1970, en 71 à ce moment-là, lorsque la chanson sort. Et à noter qu'en juin 2011, justement pour les 40 ans de la chanson, Maxime Le Forestier repart à San Francisco pour retrouver la fameuse maison bleue, qui entre-temps a été repeinte en vert. Eh oui, et à la demande donc de Maxime Le Forestier, les propriétaires acceptent qu'il repeigne la maison en bleu, histoire de, que le mythe subsiste hein, encore, et dont l'apogée se trouve un peu le 22 juin 2011, date à laquelle une plaque commémorative a été inaugurée par le consul de la ville américaine, et oui, en personne, c'est vous dire vraiment si le titre est devenu un très très grand tube, et a au passage, je le disais tout à l'heure, lancé la carrière de Maxime Le Forestier, qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs dans les enfoirés, on l'entendra peut-être dans la dernière chanson à ce propos. Je ne vous en dis pas plus concernant les indices. Alors après la chanson très calme, la chanson très douce, grâce à Maxime Le Forestier, je vous propose une chanson particulièrement plus rythmée et plus révolutionnaire d'ailleurs, puisque on va partir ainsi 10 ans plus tard, 9 ans précisément, dans la décennie 1980. Autant avec Maxime Le Forestier, on était au début de la décennie 1970, autant là, je vous propose d'être au tout début de la décennie 1980, avec la chanson Rebelle et de révolte du groupe de hard rock français Trust, avec Antisocial bien sûr. Alors Trust, hein, ils s'inspirent de ce qu'on fait à CDC la décennie précédente, hein, ils sont un petit peu dans la lignée, et leur credo, eh bien, ce sont les chansons rebelles, les chansons militantes, provocantes, provocatrices surtout, qui leur valent d'être censurées par les radios, sauf RDL aujourd'hui, évidemment. Alors, la chanson figure dans le deuxième 33 tours du groupe, hein, qui s'appelle Répression. Il a été enregistré dans un studio londonien au tout début hein, de l'année 1980. Et dedans, il y a une chanson connue qui explique le malaise social de l'époque giscardienne qui commence à prendre fin. Je rappelle que Valéry Giscard d'Estaing est battu par Mitterrand un an plus tard, hein, un an après la sortie de la chanson, à la présidentielle. Mais ça, évidemment, personne ne le savait, puisque nous sommes en 1980. La chanson sort, elle, en 45 tours, en juin 1980. Elle est diffusée par quelques radios, tout de même, dont une de France Inter, et dont une, par quelques émissions hein, aussi dans ces radios, dont une émission de France Inter et une émission de RTL, qui devient un très très grand succès, grâce aux jeunes particulièrement, qui se libèrent avec cette chanson et se sentent concernés par cette chanson. Alors, ils se libèrent aussi en criant antisocial, qu'on entend beaucoup à la fin de la chanson, et vous savez justement que à la fin de cette chanson on entend qui scande antisocial, et bien en fait l'enregistrement de cette chanson a eu lieu dans un studio londonien, je le rappelle, sauf que c'était le soir, vers 21h, et il n'y avait pratiquement personne, et le groupe avait besoin de chœurs pour chanter ce fameux mot en boucle à la fin de la chanson, hein, vous pourrez l'entendre tout à l'heure, et ils ont pu trouver que deux personnes qui étaient disponibles encore au travail dans leur bureau. Eh bien, ce sont les patrons de la maison de disques eux-mêmes qui chantent hein, antisocial dans une chanson révolutionnaire quand même. C'est particulièrement étonnant hein, quand même. C'est là qu'on voit que tous les patrons ne sont pas forcément coincés au passage et ce sont eux qui scandent le fameux titre plusieurs fois. Alors, quand une chanson pour les jeunes qui est aussi chantée par les dirigeants de la maison de disques, bah, ça donne quelque chose d'un petit peu ubuesque, eh bien, ça donne aussi antisocial, par exemple. Et vous êtes bien sur RDL sur le 103.5. On s'écoute un classique de l'année 1980. Qu'on ne rattrape plus. rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Antisocial. C'était la partie un petit peu révolutionnaire de cette émission, très certainement, avec ce antisocial donc de Trust sur le 103.5. Et puis vous avez entendu, hein, juste il y a quelques secondes, à peine à la toute fin de la chanson, quand ils scandent antisocial, et ben maintenant vous saurez à chaque fois que vous entendrez cette chanson et que vous la créerez, par exemple, lorsque vous fêterez le prochain Nouvel An, si vous la passez, qu'en réalité on entend des patrons de la maison de disques qui font les cœurs. Une dernière information très rapidement, mais néanmoins c'est très important, sur Trust. Ils seront dans le festival Rock Your Brain Fest, c'est le week-end du 19 au 21 octobre prochain à Célesta. Ils font partie de la programmation le 21 octobre 2018 à Célesta. Et maintenant, on va passer, sans plus attendre, à la chanson spéciale année 1990. On fait pas mal quand même les débuts de décennies. Des fois, on fait un petit peu le milieu ou la fin. On a fait, alors peut-être à part les Beach Boys, hein, où effectivement la chanson datait de 1966 avec Good Vibrations, mais San Francisco, je rappelle, ça date de 71, Antisocial qu'on vient d'écouter 1980, et Bouge de là, ça date de 1990, et c'est MC Solar. Et la prochaine chanson de la décennie 2000, elle a été publiée en 2000 tout pile, donc vous voyez, on continuera sur cette lancée tout à l'heure. Alors Bouge de là, c'est en 1991 qu'elle a terminé d'être ainsi confectionnée puis sortie. D'ailleurs, puisque commençons par le commencement, Bouge de là, ça vient du premier album de MC Solar, de son vrai nom Claude M. Barali. Il est né au Tchad et il s'installe avec ses parents à un an à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Il découvre, hein, alors adolescent, le rap et parvient même à développer son propre style entre le jazz et puis des textes moins violents et puis aussi plus poétiques, accessoirement, qu'aux États-Unis. Alors, il écrit Bouge de là en 1988. Là, à ce moment-là, on reste dans la décennie 80, au 8e étage d'une tour de la cité Toit et Joie de Villeneuve-Saint-Georges. Au départ, c'est voilà, juste une improvisation. Il n'y avait aucune ambition de l'inclure sur un disque ou même de faire un disque tout court à ce moment-là. Alors, il voulait être rappeur, mais il est un petit peu timide à MC Solar, donc il n'était pas sûr d'y arriver. Et donc, du coup, il n'y avait aucune ambition particulière là-dessus, en tout cas. Alors, Bouge de là, c'est une expression un petit peu plus polie, hein, et très employée par les jeunes de cité pour dire « casse-toi, tu pues », comme chantait Renaud, d'ailleurs, ou « dégage », hein, en gros. Et MC Solar, il chante, après, une fois son bac littéraire obtenu, il chante dans les soirées à Créteil, ou à Roissy, en Brie, enfin, en région parisienne. En tout cas, et il se fait repérer, en tout cas suffisamment, pour être dans un studio d'enregistrement quelques temps plus tard à Noisy-le-Sec, et il rencontre un musicien, Jimmy Jay, qui travaille avec un autre rappeur juste dans le studio d'à côté. Et parfois, vous savez, dans l'enregistrement, il faut attendre pas mal, hein, c'est comme au cinéma, il faut souvent attendre, et du coup, ils parviennent à discuter ensemble, et Jimmy Jay propose d'enregistrer le texte de MC Solar sur un extrait d'une chanson d'un groupe de soul funk anglais. Eh bien, vous l'avez deviné, cette musique d'un groupe de soul funk anglais, eh bien, c'est la musique, ou du moins inspirée de cette musique-là, qui deviendra ensuite Bouge de là. Alors, la chanson est envoyée en maison de disques, hein, qui cette fois accroche immédiatement. C'est Polydor qui parvient à faire signer un contrat au jeune prodige, encore Polydor. Le démarrage est timide, mais très très très rapidement, le bouche à oreille arrivera à faire son succès. À noter que MC Solar fait un premier passage télé dans Ciel Montmardi de Christophe de Chavannes sur TF1, c'était le mardi 28 janvier 1991, et le thème du débat du jour, eh bien, c'était justement le rap. Et je le disais tout à l'heure, hein, MC est assez timide, elle est réservée, il ne parlait quasiment pas à ce moment-là, alors qu'il était pourtant là pour promouvoir le rap français, le faire découvrir aux Français. Peu de personnes connaissaient le rap dans notre pays à ce moment-là, c'était surtout aux États-Unis, et le lendemain,

I'm out of love d'Anastasia. I'm out of love, ça veut dire je ne t'aime plus. Et c'est extrait de l'album Not That Kind, pas si gentil, je crois que c'est le premier album de la chanteuse Anastasia. La chanson a été de suite un très très grand succès et continue de l'être aujourd'hui, entre autres diffusée dans les boîtes de nuit d'ailleurs. Et le genre de I'm out of love, c'est dance pop ou disco. Vous allez pouvoir vous en apercevoir, ce qui est assez étonnant pour le disco en cette année 2000, puisque le disco, vous le savez, c'est la décennie 70 particulièrement. Les paroles ont été écrites par Anastasia, mais elle n'a pas composé la chanson. Et pour son premier titre de l'album, Anastasia envisage même un style plutôt funky. Et avec sa voix hors du commun, il faut dire que c'est pas facile de trouver ça. Et c'est ce qu'elle a demandé à l'époque, lors de la confection de cette chanson. Mais il envisageait une façon un peu de lui faire chanter une chanson genre I Will Survive de Gloria Gaynor, ou It's Raining Men, par exemple, The Weather Girls. Un tube bref, dansant, rythmé, avec des paroles universelles qui parlent à tout le monde. Et bien justement, I'm out of love, je ne t'aime plus, ça parle à tout le monde, la rupture ou le fait de ne plus aimer quelqu'un, ça parle à tout le monde. C'est peut-être pour ça que ça a été un très très grand succès d'ailleurs. C'est le premier succès, je le disais, de la chanteuse américaine, puis suivra quelques années plus tard une assez longue traversée du désert quand même à un moment donné. Et cette chanson, elle a déjà 18 ans, c'est-à-dire si le temps passe très très vite. À noter qu'Anastasia, elle était danseuse avant d'être chanteuse. Elle était danseuse entre 1983 et 1992, notamment pour des émissions et des clips de MTV. Et puis elle réalise ensuite son rêve de devenir chanteuse dès 1993. Et avant de diffuser la chanson, une petite traduction des paroles, histoire de mieux comprendre quand même les paroles universelles. Le premier couplet et le refrain, c'est ce que vous allez entendre en premier lorsque la chanson sera diffusée. Ça commence par « Now baby come on ». Maintenant, vas-y bébé, ne clame pas cet amour que tu ne m'as jamais fait éprouver. J'aurais dû m'en rendre compte, car tu n'as rien amené de naturel. Vas-y, sois un homme à propos de ça, tu n'en mourras pas. Je n'ai plus de larmes à pleurer et je ne peux plus le supporter. Tu sais que je dois aller et tu sais, en plus ça rime même en français, je ne t'aime plus, libère-moi et laisse-moi sortir de cette misère, c'est le refrain. Montre-moi seulement la manière de refaire ma vie car tu ne peux pas me manipuler. Je ne t'aime plus, I'm out of love. Ne vois-tu pas, bébé, que tu devrais me libérer? Je ne t'aime plus. On écoute donc I'm out of love sur RDL. I gotta let it go. And you know meet you, yeah. Seems like my time has come. La chanson date de l'année 2000, je le rappelle, et figure donc dans cette émission comme la chanson phare de la décennie 2000. Et je vous propose donc de terminer ces six chansons où l'on traverse le temps et où l'on découvre une grande évolution musicale. Certes, la même, mais à chaque fois, on la découvre quand même. C'est peut-être ce qui est au fond peut-être le plus intéressant, je ne sais pas à vous de me dire d'ailleurs dans cette émission. Eh bien, c'est la chanson spéciale année 2010, la décennie actuelle, avec le célèbre Happy de Pharrell Williams que tout le monde connaît. La chanson est issue de la bande originale du film Moi, moche et méchant 2 qui est sorti en 2013. La chanson est donc sortie la même année en 2013. Plus d'un milliard de vues sur YouTube. Hein, cette chanson, c'est l'une des vidéos les plus vues d'ailleurs sur Internet, même si elle a été dépassée et de loin hein, par Despacito qui a cumulé plus de 5 milliards de vues. Et en un an seulement, la chanson est sortie l'année dernière. Ce n'est pas le cas de Happy, même si elle avait pulvérisé tous les records lors de sa sortie. La chanson est restée très longtemps hein, dans le top 50 en France, le plus longtemps même, et dans le top 10 avec 36 semaines. Ça représente 8 mois, ça représente 2 tiers d'une année, c'est vous dire si la chanson a été un énorme succès. L'auteur, compositeur, producteur et interprète, c'est Pharrell Williams, autant vous dire qu'il va toucher grâce à nous avec cette chanson, et pour la traduction, donc juste avant de diffuser la fameuse chanson. Alors c'est pareil, hein, c'est le tout début, hein, le premier couplet puis le refrain. Ça peut sembler fou ce que je m'apprête à dire. Elle est mon rayon de soleil, tu peux faire une pause. Je suis une montgolfière qui pourrait atteindre l'espace. Avec l'air, je ne me soucie pas, bébé, du chemin. Et le refrain, parce que je suis heureux, because I'm happy. Viens, si tu te sens comme une pièce sans toi, parce que je suis heureux, tape des mains, clap your hands, si tu te sens comme si le bonheur était la seule vérité. Parce que je suis heureux, tape des mains, si tu sais ce qu'est le bonheur pour toi. Parce que je suis heureux, tape des mains, si tu sens que c'est aussi ce que tu veux. Eh bien, c'est ce qu'on veut, être heureux, et justement pour ça, on écoute Happy de Pharrell Williams sur RTL. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because

passe, je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant ma pose tend comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps, jeune fun, je brille comme un gun neuf. J'ai du sang neuf, je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de Bangkok à Elbeuf. Le tout si possible, arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. La balle à vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire le rêve. Elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. Que je m'en vais. Que je m'en vais. C'était Sonotone, MC Solar sur RDL, avec d'ailleurs la belle référence, hein, vous l'avez remarqué à la fin, sur la chanson de Serge Gainsbourg, MC Solar, qui sort un nouvel album cette année intitulé Géo. Poétique. Alors, une chanson sur le temps qui passe, hein, on l'a d'ailleurs entendu, et ça date donc de cette année. Alors, c'est vrai que dans cette émission qui est un petit peu particulière, parce que certes, on a vu un petit peu l'évolution musicale, je le disais tout à l'heure, de ces des dernières décennies, mais c'est aussi parce qu'on a fait un petit peu presque tous les styles au fond. On a fait le côté yéyé, le côté 60s avec les Beach Boys, hein, dans les années 60, la variété française, on va dire ça comme ça, avec Maxime Le Forestier par exemple, la pop avec Anastasia en 2000, le hard rock avec Trust, le rap avec MC Solar. Faut dire, on a été un petit peu éclectique quand même, hein, dans cette émission, et je vous propose de la clore justement cette émission avec une chanson dont a participé d'ailleurs MC Solar, puisque MC Solar est membre des Enfoirés depuis près de 20 ans maintenant, tout comme Maxime Le Forestier qu'on a entendu tout à l'heure. Ils sont tous deux un pilier chacun des Enfoirés, et je vous propose ainsi le titre, le dernier titre, le dernier tube de cette année, qui s'appelle On fait le show. Le CD et le DVD d'ailleurs sont toujours disponibles, et vous pouvez toujours l'acheter, l'un ou l'autre ou les deux d'ailleurs. C'est 17 repas offerts au Resto du Cœur chacun, si vous, enfin offerts, financés en tout cas, si vous achetez ou le CD ou le DVD, et x2 évidemment si vous achetez les deux. Alors pourquoi je diffuse cette chanson? Et bien tout simplement parce que cette année, les Enfoirés, c'était à Strasbourg, et lui après 2008 et 2014, voici tout de suite On fait le show, l'hymne des Enfoirés 2018. C'est parti, et c'est en Alsace, bien sûr, et l'année prochaine, ce sera à Bordeaux en janvier 2019. Les Enfoirés sur RTL. Je chante pour allumer ces bougies qu'on m'a laissées dans le noir. Je me déguise pour faire briller ce ciel si gris dans ton regard. Je fais le clown pour dessiner un vrai sourire sur ton visage. Je suis entouré d'étoiles pour que tu te sentes comme sur un nuage. Ces chansons qui nous ont tous unis sur un refrain. Je te chante mes chagrin. Je te chante mes amours pour que tu prennes encore plus soin des tiens. Ces horreurs qui tapent à nos portes sans cesse, cette boule au ventre qui nous empêche de vivre, mais comme on le souhaite. Nous on fait le show avec le visage ensoleillé. On fait le show main dans la main pour faire rêver. Et je partage mes fous rires pour que tes larmes soient enfin sucrées. Je confie mes rêves, mes doutes, mes espoirs pour l'éternité. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, on fait le show. Contre ces mauvaises nouvelles qui se répètent, ces horreurs qui tapent à nos portes sans cesse, cette boule au ventre qui nous empêche de vivre, oui, comme on le souhaite. Pour faire briller ce ciel si gris dans ton regard. C'était On fait le show sur RDL dans l'émission musique, et c'est déjà la fin d'ailleurs de cette émission. J'espère que on a fait le show ensemble quelque part tout au long de cette heure d'émission. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses, que ce soit sur les chansons des Beach Boys, Maxime Le Forestier, MC Solar, Anastasia, Pharrell Williams et bien d'autres. J'espère que l'émission vous a plu et que vous serez présent la semaine prochaine, le mercredi de 10h à 11h. On ne change pas un horaire et un jour qui gagne, et c'est bien sûr sur RDL au 103.5. Tout de suite, c'est la suite de la programmation de ce mercredi. Vous la connaissez très certainement. Restez sur les ondes de RDL, restez sur le 103.5. Il y a encore de très belles choses à découvrir. Excellente soirée, excellente journée, excellente semaine, et à la semaine prochaine.